De fait, je voudrais maintenant vous parler d'une autre caractéristique très importante de l'anglais, qui se rapporte là encore à la manière dont on relie deux noms entre eux. Alors, nous venons de voir l'emploi de apostrophe S dans des exemples comme « Julie's sister » ou « Yesterday's newspaper » et l'emploi de « of » dans des expressions plus abstraites telles que « The fall of the Roman Empire » ou encore dans l'expression qui fait référence à la partie d'un tout comme « The end of the program ». Mais il existe encore une troisième manière d'associer deux noms qui est typique de l'anglais et d'autres langues germaniques et qui consiste à mettre l'un à la suite de l'autre deux, voire trois noms, sans aucun petit mot de liaison entre eux. Prenons un exemple. Dans la deuxième partie, nous avions vu la phrase « Nous avons collaboré à la création du site web ». Littéralement, « collaborer sur la création ». Alors, est-ce que vous pouvez la traduire à nouveau ? We collaborated on the creation of the website. We collaborated on the creation of the website. Où l'on voit clairement cette juxtaposition de deux noms. Ici, le mot web, qui veut dire toile, est juxtaposé au mot site pour former le mot composé website, site de toile, c'est-à-dire site web. Et là encore, comme quand on emploie apostrophe s, l'ordre des mots est inversé. Website, littéralement, web site, en français, site web. Ces mots composés s'écrivent parfois en un seul mot, comme c'est le cas de website, ou en deux mots, comme c'est le cas pour tennis player, que nous avons déjà vu dans la deuxième partie. Alors prenons un autre exemple, celui d'une machine à café. Vous connaissez déjà le mot coffee, et le mot pour machine est identique en anglais, mais prononcé machine. Alors, en anglais, une machine à café donne un café machine, c'est-à-dire a coffee machine. A coffee machine. Où le mot coffee nous informe sur le type de machine. Donc là, on parle bien d'une machine à café. Si l'on veut parler d'un autre type de machine, par exemple d'une machine à laver, alors voyons. Vous connaissez le verbe to wash, laver. Eh bien, pour dire une machine à laver, en anglais, on emploiera « washing », qui veut dire « lavage ». C'est-à-dire qu'on va dire mot à mot « une lavage machine ». Alors, à vous. A washing machine. A washing machine. Alors, vous comprenez comment ça fonctionne ? Et donc, l'ordre des mots est inversé par rapport au français. Pensez encore une fois aux Anglais qui conduisent à gauche. Donc, dans le sens inverse du reste de la planète, ou presque, eh bien là, c'est la même chose. Alors, si le mot pour exposition est exhibition, ça s'écrit exactement comme le mot français exhibition, mais attention, c'est un de ces faux amis dont il faut se méfier. Et photo se dit tout simplement photo. Alors, comment dira-t-on une exposition de photo ? Et ici, watch out, car en français, quand on dit une exposition de photo, photo est au pluriel, tandis qu'en anglais, il reste au singulier. Et je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Alors, une exposition de photos. A photo exhibition. A photo exhibition, oui. Alors en fait, ici, le mot photo fonctionne comme un adjectif. Hein. Pensez qu'une exposition de photos a le même sens qu'une exposition photographique. Et c'est pour ça qu'il est au singulier. Alors, si une carte se dit card, C-A-R-D, et crédit se dit tout simplement credit, C-R-E-D-I-T, comment dira-t-on une carte de crédit? A credit card. A credit card. Et si un compte est an account, A-C-O-U-N-T, et une banque, a bank, B-A-N-K, comment dira-t-on un compte en banque? A bank account. A bank account, un compte en banque, ou en d'autres termes, un compte bancaire. Et si agence se dit agency, A-G-E-N-C-Y, vous devriez pouvoir traduire une agence de voyage, puisque vous savez déjà que les voyages se traduisent travel. A travel agency. A travel agency. Et nous avions vu qu'un avion se dit plane. Et donc, si un billet, c'est ticket, hein, ce mot vaut à la fois pour billet et ticket. Et sachant que bought, B-O-U-G-H-T, est la forme du passé de to buy, comment direz-vous, je ne suis pas allé à une agence de voyage pour acheter mon billet d'avion, je l'ai acheté en ligne, online. Alors commençons par le commencement. Je ne suis pas allé à une agence de voyage. I didn't go to a travel agency. I didn't go to a travel agency pour acheter mon billet d'avion. To buy my plane ticket. To buy my plane ticket. D'accord. Alors, je l'ai acheté en ligne, online, mot à mot. J'ai acheté ça en ligne. I bought it online. I bought it online. Alors, est-ce que Sarah, est-ce que vous pourriez reprendre la phrase en entier? Je ne suis pas allé à une agence de voyage pour acheter mon billet d'avion, je l'ai acheté en ligne. I didn't go to a travel agency to buy my plane ticket, I bought it online. I didn't go to a travel agency to buy my plane ticket, I bought it online. Donc ici, dans plane ticket, le mot important est ticket. Et plane sert à préciser de quel type de billet il s'agit. Il s'agit d'un plane ticket, donc d'un billet d'avion, et non par exemple d'un train ticket, un billet de train, ou bien d'un bus ticket, un ticket d'autobus.